Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler des régates de Saint-Félicien. Ce matin, dans le journal Le Quotidien, c'est sur la plume de Louis Potvin, on nous apprenait que les gens du centre La Source, centre de fans de La Source à Saint-Félicien, sont un peu fâchés après les régates parce qu'on a décidé de ramener le concours Miss Régate. Selon eux, on fait mal l'utilisation de la femme et c'est des mauvaises images envers la femme. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec le président des régates, Régent Côté. Salut Régent. Bonjour, Danny. Régent, est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Non, vraiment pas. C'est un peu surprenant. Et puis, on en fait un peu à tous les médias, là, on peut dire quasiment du Québec. Ça appelle un peu partout. Même les journalistes se sont déplacés, Radio-Québec, etc., Radio-Canada. Donc, ça fait parler beaucoup. Fait que c'est un peu l'objectif de dire que les régates sont là et puis qu'on est encore vivant. Mais pour une publicité, on entend souvent dire parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est à peu près ça. C'est un peu ce qui se passe. Et puis, oui. Tout le tollé part un petit peu d'une photo que c'est une jeune dame qui avait demandé elle-même à se faire prendre en photo par un photographe professionnel qui fait un peu aussi du Photoshop, donc qui arrange les photos pour donner une belle image, que ce soit sur le décor ou sur les choses là, qui se retrouvent sur la photo. Donc ça donne une image très professionnelle et puis on a affaire à avoir une jeune fille qui est pas un 3X ni rien de ça. C'est elle porte une camisole là, qui est la même que les barmaids qui nous vendent nos boissons là pendant tout l'événement à travers les enfants et tout là. Fait qu'on n'a pas joué le mot de sur le chose de indécence ou semblable. On a trouvé la photo dans son ensemble belle pour projeter une image. On est allé chercher avant tout. Les gens nous demandaient de ramener les Miss Saint-Félicien. Ça, c'est cette image, cette demande-là s'est renforcée beaucoup avec la venue du bateau en bois, là, le vintage. Le bateau s'appelait Miss Saint-Félicien. Tous les bateaux d'époque s'appelaient Miss quelque chose, là, Miss Valleyfield. Il y avait tout le temps la consonance de Miss avant, c'était le nom des bateaux. Puis, il y avait associé à ça les Miss de régate de Saint-Félicien qu'on connaît comme Madame Louise Boulanger qui était Miss Régate. Ouais, on en connaît plusieurs. Et puis il y a eu une recherche sérieuse de fait avec Monsieur Jean-Paul Asselin au niveau de la Société d'Histoire pour aller documenter un peu le avant, puis de faire à mise à jour nouvelle. On est dans un ère où de réseaux sociaux, on est dans un ère électronique et puis on est dans un ère de photos que photoshopées, des choses semblables. Donc, c'est sûr que ce qui se passait là 40 ans était la même base. C'est les dames qui se présentaient pour faire un concours qui était un concours de personnalité en ce qui a trait au régate de Saint-Félicien. Et puis, c'est la même chose. Si on regarde au bas de la photo qui était présentée, c'est bien écrit de pas associer cette photo-là à l'idée là de dire qu'il va y avoir un concours de bikini ou un concours de parade en bikini, rien de ça. C'est bien spécifié. Et puis, ça s'adresse à des filles de 18 ans et plus, donc majeures et consentantes. Très majeures et très consentantes. Mais l'histoire a commencé par Mathieu Potvin, c'est ça? Mathieu Boivin, c'est ça? C'est le photographe, c'est Mathieu Langevin. OK. C'est lui qui avait l'idée de rapporter par son média, parce qu'étant en tant que photographe, il est un photographe qui fait aussi des magazines nationaux. Là. C'est dans les quads, les courses de quatre roues au niveau provincial ou même national, c'est un des photographes pour le magazine en question. Fait que il y a une bonne crédibilité. puis dans sa tête, quand il a fait notre photographe officiel de tout l'événement sur la rue, sur les boulevards, sur les sites de course, dans les gradins, etc., il était notre photographe de l'année 2016. Mm. Et puis, il nous a présenté quelque chose de beau et de sérieux qui va rester gravé dans les images, là, de comme étant notre souvenir de 2016. Et puis, cette année, il nous est revenu en vérifiant si on voulait l'avoir encore comme photographe professionnel. Puis, il avait approché Mme Dany Tremblay, la seule dame qu'on a sur le comité. Et puis, c'est ces deux-là. C'est une dame qui a décidé que oui, ça avait du bon sens, puis que oui, il fallait qu'elle présente ça à ses gars du comité, comme elle dit. Fait qu'elle dit, faut que je présente ça aux gars. Puis, on en a parlé. On a jugé que, sans aller en profondeur dans les détails de qu'est-ce que ça prenait, qu'est-ce que ça impliquait comme pour avoir droit, les règles du concours, si on veut. On savait qu'on avait des gens de confiance puis qu'on s'en allait dans quelque chose où on ne voulait pas s'enliser non plus. Jamais vous auriez pensé que ça aurait fait ça, là. Absolument pas. Absolument pas. Si on parle de... Moi, je suis un gars de nautique, de bateau. Fait que ce qu'on rencontre sur les plages puis sur les devants de bateaux, par des personnes qui n'ont pas nécessairement 16 puis 18 ans non plus, c'est pas mal plus provocateur que l'image qu'on a pu projeter sur chose-là. Mais, comme on dit, il y a des oreilles sensibles, il y a des yeux peut-être un peu plus sensibles. Fait que, c'est ce que ça l'a donné. Ça fait parler. J'ai hâte d'y parler parce que je veux y parler. Évidemment, c'est pas vraiment du sport, mais ça touche le sport, ça touche les régates. Puis je vais y poser la question, comment se fait-il que où est-ce que vous êtes quand c'est le temps de l'islam radical qui est de plus en plus présent au Québec et qui menace les droits de la femme des 100 dernières années? C'est drôle, on les entend pas quand, dans ce temps-là. Je trouve ça dommage là-dessus, là. Puis on les entend sur des femmes consentantes, majeures et vaccinées, comme on dit, puis là, on fait une tollée avec ça. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter là-dessus. Mais, en tout cas, au niveau de l'image, ceux que ça a pu choquer, on s'en excuse, comme on dit. Mais à dire qu'on a fait un péché, je ne croirais pas. Et puis, de notre côté à nous, l'image était belle, était satisfaisante. Ça aurait été, quand une photo d'un camion est belle, c'est un beau camion, on donne une belle photo de camion. Puis là, on avait une photo d'une belle dame. Il y en a combien, des femmes jusqu'à maintenant qui ont postulé? Je crois que on parlait tout de suite dans la première semaine de plus d'une dizaine. Mais notre photographe étant absent hier par obligation professionnelle, on n'a pas la mise à jour tout à fait de où il en est rendu, mais je sais qu'il en est très, très satisfait. Et puis, les répondantes aussi, de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc., en sont vraiment contentes aussi. OK. Donc, évidemment, c'est une tollée qui ça va se terminer. Allez, puisque je t'ai rejoint, comment ça va les préparatifs, là? C'est dans quoi, là? Dans 3 semaines, on va se reparler de cet instant-là, mais comment ça va, là? Ça va vraiment bien. Hier soir, on en était à peaufiner les choses qui vont se placer sur le boulevard. On va avoir une belle soirée de performance cette année, différente un peu des autres années, parce qu'on y va par l'autodrome de Saint-Félicien. Okay. Les propriétaires de l'autodrome s'occupent de meubler le boulevard avec des équipes de course. Fait que ça va donner vraiment quelque chose de différent. Là, ça va être une question moteur, coureur, et puis des équipes régionales, des équipes provinciales. Et puis, on devrait avoir des beaux bolides sur le boulevard. Ben, bravo, Raisin. Puis on espère évidemment que cette tollée-là, ça ira pas plus loin. Je pense pas, là, mais ça a fait parler de... Puis c'est bien correct comme ça. Raisin Côté, ça parle dans 3 semaines pour parler des régates. Parfait. Voilà, le président des régates, Raisin Côté.